Écoute maman, j'en ai plus pour longtemps. Je vais bientôt m'arrêter, t'en fais pas, je vais me tirer. Écoute maman, pleure plus, je dois partir. Écoute maman, t'inquiète pas, je serai prudent. Je vais dans un pays où j'aurai le temps de chanter. Je vais dans un pays où j'aurai le temps d'aimer.